Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 48. Du mode par lequel la passion du Christ a produit son effet. La passion du Christ a produit notre salut par mode de mérite. Elle a satisfait pour nos péchés avec surabondance. Elle a été un véritable sacrifice. Elle a produit notre rédemption. Aussi notre rédemption est-elle l'œuvre exclusive du Christ, qui, comme homme, en a été la cause instrumentale, et, comme Dieu, la principale cause efficiente. 1. La passion du Christ a-t-elle produit notre salut par mode de mérite? Le Christ, avons-nous dit, avait reçu la grâce, non seulement comme individu, mais comme chef de l'Église, pour qu'elle découlât de lui sur ses membres. Il en résultait que ses œuvres se rapportaient à la fois à lui et à ses membres de la même manière que les actions d'un autre homme en état de grâce se rapportent à lui-même. Or il est évident que quiconque, dans l'état de grâce, souffre pour la justice, mérite le salut pour soi, selon cette parole, « Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice ». Donc le Christ a mérité, par sa passion, le salut pour lui et pour tous ses membres. Note. Il nous l'avait mérité dès le premier instant de sa conception, mais, de notre part, il y avait des obstacles qui empêchaient l'effet de ce mérite antérieur. Il fallait, pour les écarter, que le Christ souffrit. Fin de la note. 2. La passion du Christ a-t-elle produit notre salut par mode de satisfaction? Le psalmiste, 68:5, fait dire au Christ, « Je payais ce que je n'avais pas enlevé. On ne paie que tant que l'on satisfait parfaitement. » Le Christ a rendu à Dieu au-delà de ce qu'il fallait pour compenser les offenses du genre humain, d'abord, à cause de la grande charité qui le portait à souffrir, ensuite, à raison de la dignité de la vie qu'il a donnée pour satisfaire, enfin, eu égard à l'étendue et à l'intensité des souffrances qu'il a endurées. Sa passion a donc été une satisfaction non seulement suffisante, mais surabondante, pour les péchés de tous les hommes, selon cette parole, il s'est fait victime de propitiation pour nos péchés et pour ceux du monde entier. 1 Jean 2:2. Note. La tête et les membres formant une sorte de personne mystique, les satisfactions de Jésus-Christ appartiennent à tous les fidèles comme à ses membres. C'est ainsi que deux hommes, unis par la charité, peuvent satisfaire l'un pour l'autre. La satisfaction est une œuvre extérieure que l'on peut accomplir à l'aide d'un ami. Fin de la note. 3. La passion du Christ a-t-elle produit notre salut par mode de sacrifice? L'apôtre dit, « Il s'est livré pour nous comme une oblation et une victime d'agréable odeur. » Éphésiens 5:2. On appelle proprement sacrifice ce que l'on fait pour rendre à Dieu, en vue de l'apaiser, l'honneur qui lui est dû. Il y a, dit saint Augustin, un véritable sacrifice dans toute œuvre qui a pour but de nous rattacher à Dieu. Le Christ s'est dévoué pour nous dans sa passion, et cette offrande volontaire, provenue de la plus grande charité, a été très agréable à Dieu. Sa passion a donc été un véritable sacrifice. Tous les sacrifices de l'ancienne loi, dit très bien saint Augustin, en étaient autant de figures, ils ressemblaient aux divers mots que l'on emploie pour exprimer une même idée, afin de la mieux inculquer, en évitant l'ennui de la répétition. Notre vrai et unique médiateur, à la fois sacrificateur et victime, n'a pas cessé, dans ce sacrifice de paix et de réconciliation, d'être un avec celui auquel il s'offrait et avec ceux pour lesquels il s'offrait. Note. Sa passion a été un crime pour ceux qui l'ont fait mourir, et un sacrifice pour lui, qui l'a souffert par charité. Fin de la note. 4. La passion du Christ a-t-elle produit notre salut par mode de rédemption? Ce n'est point par des objets corruptibles, comme l'or et l'argent, que vous avez été rachetés, nous dit saint Pierre, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau sans tache et sans défaut. 1 Pierre 1, 18. Saint Paul s'exprime dans les mêmes termes, le Christ, se faisant maudit pour nous, nous a rachetés de la malédiction. Galates 3, 13. L'homme, par son péché, avait contracté une double obligation, l'une, envers le démon, qu'il avait vaincu, l'autre, envers la justice de Dieu, qu'il avait blessé. La passion du Christ, qui a été une satisfaction suffisante et même surabondante, est devenue une sorte de rançon par laquelle nous nous avons été délivrés de cette double obligation. La satisfaction, en effet, consiste proprement à donner un prix pour racheter sa propre personne, ou celle d'un autre, de quelque péché ou d'une peine encourue par le péché, et c'était sur ce fondement que Daniel 4, 24, disait, rachetez vos péchés par des aumônes. Le Christ a satisfait pour nous en donnant sa propre vie. Donc sa passion a produit notre salut par mode de rédemption. 5. Le titre de rédempteur appartient-il proprement au Christ? Quoique l'on puisse attribuer l'œuvre de notre rédemption à la Trinité entière, comme à sa cause première, le titre de rédempteur appartient proprement au Christ, qui en a payé le prix avec son propre sang. Note. En donnant, comme homme, le prix de notre rachat, il agissait par l'ordre de son Père, auteur primordial de notre rédemption. Fin de la note. 6. La passion du Christ a-t-elle produit notre salut par mode de cause efficiente? Il y a deux sortes de causes efficientes, l'une principale, l'autre instrumentale. Dieu est la cause efficiente principale de notre salut. L'humanité du Christ, dont les actions et les souffrances opéraient comme instrument de sa divinité, en est la cause efficiente instrumentale. Ainsi, la passion du Christ a produit notre salut par mode de cause efficiente. Note. Elle l'a opéré aussi, sous d'autres rapports, par mode de mérite, de satisfaction, de rédemption et de sacrifice. Envisagée par rapport à la divinité du Christ, elle est cause efficiente, du côté de la volonté de son âme, cause méritoire, dans sa chair, cause satisfactoire. Selon qu'elle nous affranchit de la servitude des péchés, elle agit par mode de rédemption, et, en tant qu'elle nous réconcilie avec Dieu, elle opère par mode de sacrifice. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.